Et tu saurais la mort t'appeler. Teresa, c'est un bon coup. Elle trappe, il a un petit kiki ou pas. Désolé, rien su de ça. Ton premier souvenir en musique, petit gars. Je sais plus, mais ça, je suis sûr que c'est elle. Ça, oui.